tombe. Jodi la, toutou, ou serre moi en tes bras. Et cœur moi content, et tant pis si demain, soleil pas clairé pour moi. Et oula. Faut pas nous laisser dans la